إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. الإمام البربهاري رحمه الله يلدي sache que les gens ne vont pas innover une innovation jusqu'à ce qu'ils délaissent en même temps la sunna. Yani, ils vont innover une bid'a et en même temps ils vont délaisser une sunna. Il n'y a pas une bid'a qu'ils innovent sans qu'ils délaissent en même temps une sunna. Fahdhar al muharramat min al umur. Et yani, prévient de ces choses qui sont interdites, des choses qui sont blâmables ou interdites. فَإِنَّ كُلَّ مُعْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Car toute nouveauté... Deux secondes. Il y a Charles qui parle en anglais, couramment, pour traduire en français, c'est l'américain. Personne? Non? فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل والضلالة أهلها في النار. Et toute nouveauté est une innovation et toute innovation est un égarement et l'égarement ainsi que ces gens vont au feu. هذه حكمة عظيمة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: هذه حكمة عظيمة وهي مأثورة عن السلف. أن الناس ما أحدثوا بدعة إلا فقدوا مثلها من السنة. وفي هذا القول قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وهكذا أهل البدع لا تجد أحدا ترك بعد السنة التي يجب التصديق بها والعمل إلا وقع في بدعة، ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئا من السنة، كما جاء في الحديث: ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها. رواه الإمام أحمد. Il y a un petit commentaire de Cheikh Al-Islam Taymiyyah rahmallah qui est ramené ici. Ainsi sont les gens de l'innovation. Tu ne trouveras pas un seul d'entre eux qui abandonne sans qu'il abandonne la sunna. La sunna envers laquelle on doit, yani cette sunna que l'on doit rendre véridique, et cette sunna que l'on doit, dont on doit agir selon cette sunna. Et tu ne trouveras pas sans que son action soit dans l'innovation. Donc tu ne trouveras pas quelqu'un qui est dans l'innovation sans qu'il délaisse quelque chose de la sunna. Comme cela est ramené dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, rahimallah, les gens n'innovent pas une innovation sans qu'ils délaissent en même temps par cela la sunna. Donc il n'y a pas un innovateur qui délaisse, qui va dans la bid'a sans qu'en même temps, c'est forcément comme ça, qu'il délaisse en même temps la sunna. لِأَنَّهُ لَا تَجْمِعُ السُنَّةُ وَالْبِدْعَةُ. Pourquoi ? Donc Chéri dit ici, c'est une grande sagesse qui nous est donnée ici dans cette leçon de l'imam Al-Barbahari, rahimallah, c'est que les gens n'innovent pas une innovation sans qu'en même temps ils délaissent la sunna. Pourquoi ? Cher, il dit parce que on ne peut réunir la sunna et la bid'ah. Les deux en même temps, ça n'existe pas. Il la tukhriju ihdahuma al-ukhra. Sans que quoi ? Sans qu'il y en ait une qui sorte l'autre. Ou la bid'ah sort la sunna, ou la sunna le fait sortir la bid'ah. فلا يكون الإنسان مبتدعا وسنيا. ماذا قال؟ فلا يكون. Un homme ne peut pas être innovateur et sunni en même temps. أو أنه مبتدع أو أنه سلفي. بل إما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون سنيا. Ou bien il est innovateur ou bien il est à la sunna. لا يجتمعان فيه فلا بد أن تخرج إحداهما الأخرى وهذا من مدار البدع. Donc ce qui est parmi les méfaits de l'innovation et des innovations, c'est qu'elle va te sortir de la sunna. Car on ne peut réunir ces deux choses-là en même temps. Ou bien tu es à la sunna ou tu n'es pas à la sunna. Et quoi qu'il arrive, il y en a une qui sort l'autre. Ou la bid'a elle sort la sunna, ou la sunna elle fait sortir la bid'a. وهذه الحكمة المأثورة ثابتة بتجربة وشاهد هذا ودليله أنك تجد أصحاب البدع يبغضون الأحاديث الصحيحة ويبغضون السنن وأعدى عدوا لهم وأبعد ما يسمعون يرحمك الله أن يقال الحديث الفلاني ينهى عن هذا أو يحرم هذا لا يريدون أن يسمعوا الأحاديث والسنن التي تخالف ما هم عليه يرحمك الله فهذه علامة على أنها لا تجتمع السنة والبدع. Cette sagesse est prouvée par le fait que lorsque tu vois les gens de l'innovation, ils détestent les hadiths authentiques et ils détestent les sunan. Ils se font ennemis de cela et des gens du hadith. Et ils disent, et il est dit, le hadith d'un tel vient interdire cela, le hadith d'un tel interdit cela. Il ne veut pas entendre les hadiths venant et les sunan venant des gens du hadith. Pourquoi ? Il ne supporte pas que les gens du hadith et les gens de la sunna corrigent ce qu'eux ils disent ou ce qu'ils font ou ce qu'ils croient. Et lorsqu'un hadith est mentionné comme istidlal, comme dalil, et qu'il y a un istidlal avec la sunna, avec la hadith, alors il n'accepte pas cela. Il n'accepte pas cela, il rejette le hadith. Il rejette le hadith. Ils ne veulent pas écouter. C'est un hadith qui vient contredire ce sur quoi ils sont eux-mêmes. فَهَذِي عَلَامَةٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجْتَمِعُ السُنَّةِ وَالْبِدَحَ. Et ce sont des signes ici qui montrent que la sunna ne peut se mélanger à la bid'ah, à l'innovation. أَمَّا الَّذِي عَلَى السُنَّةِ. Ici, si vous voulez, c'est des alamat qui donnent le shir, afin de reconnaître les gens de la sunna et les gens de l'bid'ah. Les gens de l'bid'ah, il dit ici, quand tu leur amènes le hadith, yakrah. Il n'aime pas entendre ça, yani, celui-là va encore nous casser la tête, celui-là va encore nous prendre la tête. Voilà, on ne peut pas faire une chose sans qu'ils viennent avec quelque chose par-dessus. Mais shir, il dit quoi ? Amma alladhi ala sunna. Quant à celui qui est ala sunna. فإنه إذا سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفرح بذلك. Quand la personne qui est à la sunna, lorsqu'il entend un hadith du messager d'Allah, il se réjouit de cela. يفرح. أنا أقول وأنت تقول. لا قال النبي صلى الله عليه وسلم. Il se réjouit qu'on lui ramène un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, même s'il va le contredire. فيضيف خيرا إلى خير ويضيف علما إلى علم وصاحب السنة يفرح بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما صاحب البدعة ينفر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء واضح في المبتدعة، أنهم يحاربون السنن لأنها تقضي على ما عندهم من البدع. Ensuite il dit, le fait qu'il ramène le hadith, le sahib ou sunnah, celui qui a la sunnah, mais n'est qu'un à la manhaj al-salaf, ou min ahl sunnah wal jama'ah, yafrah bi hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est content d'entendre le hadith. Et cela ramène un bien qui va ramener un autre bien. Hein? Et cela est une science qui va découdre sur une autre science. Ainsi, il se réjouit des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à celui de l'innovation qui lui rejette ces hadiths, il n'est pas content de les entendre. Et ceci est une chose claire chez les gens de l'innovation, qu'ils font la guerre aux sunan et aux gens du hadith. Qu'ils déclarent la guerre aux gens du hadith, car cela vient contredire ce qu'il y a auprès d'eux comme innovation. Al-harb. Comme tu le vois aujourd'hui avec l'ulama, ulama al-hadith. Comme ce fut le cas pour Cheikh Mourbil. Cheikh Mourbil, al-Hizbiyoun ou al-Shia lui ont déclaré la guerre. Jusqu'à même vouloir le tuer à plusieurs reprises. Rahimallahu ta'ala. Ils n'ont jamais réussi. Al-An, Cheikh Rabi' al-Madkhali. Avec toutes les insultes que l'on entend envers Cheikh Rabi' al-Madkhali, al-Madakhila. Comme ils disent. Ou al-Jamiyya, al-Wahhabiyya, il-Akhirihi. Tous ces noms qui sont donnés pour faire croire que c'est une hizbiyya, que ces chouyoukhs-là, ils ont fait un hizb, et que c'est une secte parmi d'autres sectes. Ces noms-là, ils sont sortis de Ikhwan Muslimoun. Ce sont eux qui ont ramené ces noms-là, afin d'écarter les gens de ces savants. Ainsi, ils déclarent la guerre aux gens du hadith, car ils n'acceptent pas. Cela vient casser leur da'wah, cela vient casser ce qu'ils ont mis en place pour réussir à avoir un nombre, puisque pour eux c'est le nombre qui compte. وَهَذَا فِيهِ التَّنْفِيرُ مِنَ الْبِدَعِ وَأَنَّهَا تُرَحِّلُ السُّنَنْ وَتُرَحِّلُ مَحَبَّةَ السُّنَنْ مِنَ الْقُلُوبِ. Ce qui montre que tu dois détester la bid'ah et l'innovation. Et les gens de l'innovation. Et tu dois aimer la sunna. Et les gens de la sunna. Et cela doit être dans le cœur. C'est ça, Muhammad al-Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah. C'est ça. Tuhibbu al-sunan wa ashab al-sunan wa ahl al-sunna wa difa' an al-ulama, ulama al-sunna. Et de défendre les gens de la sunna. Tu te dois de défendre les savants de la sunna. وقال الإمام البربهاري وقوله فاحذر المحرمات من الأمور لأن المحرمات لا خير فيها سواء محرمة الشرك أو الكفر أو المعاصي لأن الله عز وجل لا يحرم شيئا وفيه خير إنما يحرم ما هو شر محض أو شر راجح أو شر مساوي فإذا اجتمع في شيء خير وشر فإن كان الشر أكثر أو مساويا فتجتنبه وإن كان الخير أكثر فلا مانع من أخذه ويغتفر الشر اليسير مع الخير الكثير. Ainsi, tu te dois de rejeter et de mettre en garde contre toute chose qui est mauvaise. Car dans les choses mauvaises et les choses interdites, il n'y a pas de bien. Que ce soit les choses du shirk, ou les choses interdites par rapport à la mécréance, ou les péchés. Allah Azza wa Jal n'a pas interdit une chose, et il y a dedans du bien. Ce qu'il a interdit, c'est forcément du mal. Ou bien le mal est le plus important dans cette chose-là. Le mal est le plus conséquent dans cette chose-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ou il a interdit un mal qui est un mal en soi-même, il n'y a aucun bien dedans, ou bien il a interdit un mal, même s'il y a quelque chose de bien, c'est minime comparé au mal qu'il y a dans cette chose-ci. Donc ainsi, tu te dois de t'en éloigner. وَقَوْلُهُ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Il a continué, l'imam al-Barbahari, rahimullah, et certes, toute nouveauté est une innovation, et toute innovation est un égarement. هَذَا نَصُّ حَدِيثٍ العرباد ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال ووعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله. Il a ramené, il a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a fait une exhortation à faire faire vibrer les cœurs et à faire pleurer les yeux. Et nous avons dit, ô messager d'Allah, كَأَنَّهَا مَوْعِذَةُ مُوَدِّعَ فَأَوْسِيْنَا. On dirait que c'est une exhortation d'adieu. Alors conseille-nous. قال عليه الصلاة والسلام أُوصِيكُمْ بِالتَّقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. Je vous conseille la crainte pieuse d'Allah, l'écoute et l'obéissance. وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ وَفِي الرِّوَايَةِ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشْ مِنْكُمْ فَسَيَارَ إِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُعْدَثَاتِ الْأُمُورِ. هذا تحذير إياك كلمة التحذير وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي الرواية وكل ضلالة في النار. Puis le prophète a continué en disant, même si c'est un habashi qui vous gouverne, un esclave habashi, vous lui devez l'obéissance et l'écoute. Quant à celui d'entre vous qui vivra, il verra beaucoup de divergences. Soyez sur ma sunna et la sunna des califes bien guidés après moi. Bien guidés et bien guidés. Accrochez-vous fortement, cramponnez-vous fortement à elle, à cette sunna. Et il a dit biha, il n'a pas dit bihima. C'est-à-dire, c'est la même sunna. Accrochez-vous à ma sunna et la sunna des califes bien guidés. Et il a utilisé ici le terme au singulier. Accrochez-vous à cette sunna. Pourquoi ? Parce que c'est la même. Et mordez-la avec vos molaires. Les molaires, pourquoi ? Parce que c'est le muscle de la mâchoire. C'est le muscle le plus fort du corps humain. Certains diront pourquoi, comment on sait que c'est le muscle le plus fort du corps humain? Parce qu'ici, le Nabi Sallam, il parle d'accrocher la sunna. Donc il a pris l'exemple de la chose la plus solide pour tenir la sunna. Et il a bien mentionné, en plus de cela, les molaires, c'est-à-dire les dents du fond. Parce que les dents de devant, si tu tiens quelque chose, on peut vite l'arracher. Alors que les dents du fond, quand elles tiennent, il y a une telle pression dans la mâchoire que, bi'idhnillah, quand tu tiens une chose avec ça, elle ne part pas. Et prenez garde aux choses nouvelles. Et Shir al-Fawzan dit ici, هذا تحذير إياك. Il s'agit ici d'un avertissement. Et lorsqu'on utilise cette parole إياك, hein, comme il a mentionné ici, وإياكم ومحدثات الأمور, c'est-à-dire prenez garde, faites très attention. C'est une parole qui marque l'avertissement. Donc ici, Nabi Sassam, il تحذير, il prévient contre. Et prenez garde des choses nouvelles, car les choses nouvelles sont une innovation et toute innovation est un égarement. Dans une autre version, tout égarement va au feu, mène au feu. وقال الشيخ حفظه الله كل محدثة فهي بدعة والمراد محدثة في الدين أما المحدثات في أمور العادات والمنافع فهذه بدعة لغوية toute innovation et toute nouveauté est une innovation. Ce qui est voulu ici par nouveauté, c'est les nouveautés dans la religion, bien sûr. Non pas dans les choses de la vie de tous les jours, dans ce qui est profitable de la vie de tous les jours. Ceux-là sont des innovations linguistiques, c'est-à-dire dans la langue arabe, c'est une innovation. C'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. Un avion, ça n'existait pas avant. Donc c'est quelque chose de nouveau. Mais c'est du domaine, quel domaine ? Dunia, oui, dans le domaine de la dunia, de la vie de tous les jours. Il ne faut pas confondre avec les innovations dans la religion qui, elles, sont interdites. ليست بدعا شرعية لكن المحدثات في الدين هي البدع المحرمة. Quant aux innovations, ces innovations de la vie d'ici-bas, de la dunya, du monde dans lequel on vit tous les jours, ce ne sont pas des innovations religieuses. Quant aux innovations dans la religion, celles-ci sont les innovations interdites. وهذا فيه رد. Et il y a ici une correction et une réplique. Alladhina yuqassimun al-bid'ah ila bid'ain hasana wa bid'ain sayya wa bid'ah mubaha wa yaqulun tahtariha al-ahkam al-khamsa. Fahadha gharat li'an al-bid'ah fi al-din kullaha dalalatun. Bin nas'i an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal fa inna kulla muhdathatin بدعة وكل قال كل بدعة ضلالة. Et ceci est une réplique sur les gens qui nous disent que l'innovation est classée en cinq catégories comme ce qui est connu des règles. On sait que nos actes religieusement sont classés dans cinq catégories. Ce qui est du domaine du haram, donc strictement interdit, wal makruh, ce qui est détestable, والمباح, ce qui est permis, والمستحب, ce qui est recommandé, والواجب, ce qui est obligatoire. Voilà nos actes, ils sont classifiés dans ces cinq choses-là. Ils ont fait la même chose avec la bid'a. Ils ont fait la même chose avec la bid'a. Ainsi, Chiril dit, فَهَذَا غَلَطْ. Ceci est erroné et faux. Car l'innovation dans la religion, quelle qu'elle soit, et toutes les innovations, sont un égarement, conformément à la parole, au texte même que le prophète a mentionné, « فَإِنَّ كُلَّ وَكُلَّ » Toute nouveauté et toute innovation sont un égarement. Comme ils ont voulu faire, avec la parole de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, quand il a dit ni'ma hadhi al-bid'ah, c'est un bienfait cette bid'ah. Donc ils disent, vous voyez bien que la bid'ah al-hasana, elle existe, la bonne bid'ah, elle existe, c'est sorti de la bouche de Omar radiallahu anhu. Omar, il n'a fait que faire revivre la sunnah, puisque les gens au début du tarawih, ils priaient avec le prophète derrière lui au début. Puis cela a disparu au fur et à mesure du temps. Et ce n'est qu'après que Omar ibn Khattab va décider de réunir tous les gens derrière un seul imam. Et il a mentionné le mot bid'a. Mais lorsqu'il a mentionné ce mot-là, c'est dans l'aura, l'oratan. C'est-à-dire c'est nouveau pour les gens. Voilà quelque chose de nouveau pour les gens. Mais pas pour les gens qui connaissent la sunna. Pas pour les gens qui étaient avec le prophète, alayhi salatu wassalam, et qui priait Tarawih derrière le prophète alayhi salatu wassalam. Et la bid'a dans l'aura, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouveauté. La création en elle-même, elle est une bid'a, parce qu'elle est nouvelle. Allah tabaraka ta'ala a créé quelque chose qui n'existait pas. Il l'a fait passer de l'état de l'inexistence à l'existence. Mais la bid'a dans la sharia, dans la religion d'Allah, ça c'est strictement interdit. Et personne n'a de preuve pour dire que la bid'a est autorisée. Et s'il ramène même l'hujja, des preuves, l'istidlal, il est batil. L'istidlal, la manière d'argumenter, avec les textes qu'il ramène, c'est totalement faux. Ils les ont sortis, ou bien de leur contexte, ou bien ils ont cherché une autre explication, comme la parole de Omar, radiallahu ta'ala anhu. « Donc en vérité, ce qu'a fait Omar, radiallahu anhu, ça s'appelle Ihyahun les Sunan. Il a fait revivre les Sunan du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Quant aux choses de la dunya, alors il n'y a pas de mal à cela. Il ne faut pas rentrer dans l'extrême. Hein? Des gens qui te disent tu ne peux pas boire dans un verre en verre parce que ça ne se faisait pas à l'époque de Salaf, il n'y a pas de doute que celui-ci il est dans le rouleau, il est dans l'exagération. Hein? Ou tu ne fais pas ton pèlerinage avec l'avion parce que Salaf ils l'ont fait à pied, tu le fais à pied. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a le bid'ah ou le bid'ah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens sont venus, les gens qui s'occupaient des palmeraies, ils sont venus le voir, ils lui ont dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce que tu penses si on fait comme ça ou là comme ça? Yani, on veut ton point de vue. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il s'en est même pas mêlé. Il a dit, c'est vous les plus savants là-dedans, faites ce que vous voulez. Donc ça prouve bien que là, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont innover, ce qu'ils vont faire de nouveau par rapport à leur palmeraie, ça ne touche pas la religion d'Allah. C'est pour ça que le prophète leur a dit, vous êtes les plus doués dans votre domaine, faites ce que vous avez à faire. Tant que ça ne touche pas de din, classe. Donc on se doit d'être au juste milieu. Et ces gens-là qui ramènent ça, c'est pour dire tout simplement que, vous voyez, il y a du bien chez les gens de l'innovation. Il y a du khair. Le vrai message en vérité de te faire croire qu'il y a le bid'atul hasana, elle existe, c'est de te faire croire qu'il y a des choses bien chez les gens de l'innovation. Mais cher Al-Islam ibn Taymiyyah, rahimallah, a mentionné une parole, sa parole elle sert de guide, si tu regardes bien. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, s'il y a du bien chez les gens de l'innovation, alors sachez que le bien est encore plus grand chez les gens de la sunnah. Et s'il y a du mal chez les gens de la sunna, alors sachez que le mal est encore pire chez les gens de l'innovation. Sauf que l'imam Ibn Taymiyyah, rahimallah, alim fi sunna. Il y a une autre parole aussi. Il a dit, les gens de la sunna, nous sommes comparés aux gens de l'innovation, ce que sont les musulmans par rapport aux kuffar. De toutes les croyances, les fausses croyances qui existent aujourd'hui, l'islam c'est la religion du juste milieu. Et bien pareil dans l'islam, de toutes ces sectes qui sont là, celle qui est au juste milieu c'est Ahl Sunnati wal Jama'ah, wa hum salafiyun. Au juste milieu. C'est ce qu'a mentionné Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc si tu viens et tu dis, regarde Al-Sunnah, regarde Salafi, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils ont du char. Khair, Inch'Allah. Mais chez vous, le mal est encore plus grand. Et s'il dit, chez nous, il y a du bien, chez les gens de l'innovation, chez nous, il y a du bien, il y a ceci, il y a cela, Jama'at Tablir, ils ont l'ikram, ils savent recevoir les gens, ils ont cette douceur, et puis ils font da'wa, ils ont le nashat, ils bougent à droite, à gauche, ils n'hésitent pas à sacrifier leur temps, même à laisser leur famille pour aller faire da'wa. Les Ikhwan, ils sont dans le social, ils éduquent les jeunes, ils aident beaucoup par telle association. Tekfiri, on en a besoin d'eux, ils sont chauds, ils sont là, ils sont présents, ils lâchent rien. Al-Mu'azanat, la règle de ramener le bien de ces gens-là. Tout le bien qu'ils ont ces gens-là, ils l'ont pris de la sunna, sinon ce ne serait pas un bien. Donc ils l'ont pris de chez les gens de la sunna. Et la règle de le muazanat, c'est les Ikhwan qui ont inventé ça. Chez Salaf, ça n'existe pas le muazanat. Le fait de ramener leur bien. Quand tu fais un tahdir, tu préviens contre un mal, ils disent qu'il faut équilibrer aussi, il faut ramener aussi le bien qu'il a. Ça, c'est bayna ahl sunnah. Ça, c'est chez les gens, entre gens de la sunnah. On se doit de... Même entre les gens de la sunnah, on se corrige les uns les autres. Il n'y a pas de problème entre les gens de la sunna. Le problème, il est avec les gens de l'innovation. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il parle de Quraysh, al-Mushrikoun, les Arabes de Quraysh. Tout le monde sait les qualités qu'ils avaient. C'était des gens courageux. Regarde quand ils sont partis voir Héraclius. Il lui a dit « Avance-toi ». Qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là ? Qu'est-ce que j'aurais voulu mentir, mais je ne pouvais pas. Pourquoi ? Parce que là, il devait parler du prophète, sans salam à Héraclius. Il lui a dit « Avance-toi, j'ai des questions à te poser ». Il a dit « J'aurais voulu mentir, mais je ne pouvais pas ». Pourquoi ? Parce que ça ne rentre pas chez eux. Chez eux, c'est l'honneur. Si tu mens, tu n'es plus un homme. Tu n'as pas d'honneur. Vous avez ces qualités. On dit que même durant une bataille, s'il trouvait deux personnes devant lui, deux ennemis devant lui, il tuait son cheval, il dit « Où je reste et je gagne, ou je meurs ?» Pour ne pas prendre la fuite. Pourtant, c'est des armes de Quraysh, Mouchrikoun. Et ce qui est connu d'eux aussi, c'est qu'ils savaient recevoir les voyageurs à Mecca. Ils avaient ce don-là de recevoir les voyageurs, le don du commerce, le don. Et bien tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a jamais ramené ni dans le Coran ni dans la Sunna. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala n'a fait l'éloge des mushrikin. Jamais. Il n'a mentionné que leur mal, le shirk qu'ils font. Deuxième chose, fi ilm al-hadith. Vous savez que dans une chaîne, dans un hadith, il y a une chaîne de transmission. Il y a une chaîne de transmission. Dans cette chaîne-là, il y a des gens, quelquefois, qui ne sont pas dignes de confiance pour les savants du hadith. Ainsi, ils vont classifier directement le hadith dans al-da'if. C'est un hadith faible. Pourquoi ? Parce qu'il y a telle personne qui se trouve dans la chaîne et cette personne-là, on ne peut pas lui faire confiance. Il a un manquement. Quelquefois, ils vont dire qu'il a un manquement fait d'apt dans la mémorisation. Il ne retient pas. Donc on ne peut pas le considérer comme étant quelqu'un de confiance dans le hadith. Donc rien que par rapport à ce manquement et cette personne-là, le hadith il va dans le da'if, hadith faible déjà. Parce qu'il n'y a pas cette sécurité que le prophète il l'a vraiment dit. Et Shir al-Albani il dit, par rapport à cette règle de l'moisanat, justement il ramène cet exemple dans l'isnad. Il dit, vous trouvez dans les chaînes de transmission, ulama al-salaf, quand ils parlent de quelqu'un qui est faible dans la chaîne, ils le disent tout de suite, da'if, majhoul, inconnu. Ou bien marid, il est malade celui-ci. Mais est-ce qu'il rajoute à côté quelque chose ? Kana alim fil fiqh wa fil hadith wa fi kadha wa fi kadha ou kana hafiz bi kitabillah, li kitabillah azza wa jal. Oui, mais il connaissait le Coran, oui, mais il priait la nuit, il jeûnait le jour. Tu ne trouves rien de tout ça. Il n'y a que son manquement qui est mentionné. Que son naqs, son manquement, sa faiblesse. C'est la seule chose qui est mentionnée. Et troisièmement, comme dit Charles Rabir, cela n'est pas connu des pieux prédécesseurs que lorsque l'on prévient contre les gens de l'innovation, il faut ramener forcément ce qu'ils ont de bien. Pourquoi ? Ben, tu vas tout simplement annuler ta mise en garde. Si tu parles à quelqu'un, tu lui dis « Ahi, n'écoute pas telle personne. » Parce qu'il est de tel jama'a et puis il dit telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Mais, franchement, en dehors de ça, il est hafiz, il est ceci, il est cela... Il a ikram bain al-muslimin, il est ceci, il est cela, il y a du khir chez lui. Ça sert à quoi de mettre en garde si c'est pour amener les bons côtés en même temps ? Ta mise en garde, tu es en train de l'annuler. Et cela n'a jamais été connu chez Salaf, rahimahumullah, qu'il fallait ramener le bien des gens de l'innovation. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça ne fait pas partie du manhaj. وقوله والضلالة وأهلها في النار كما في الحديث كل ضلالة في النار وكما في حديث الفرق وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Donc je l'ai dit ici, l'imam Barbahari, et l'égarement ainsi que les gens de l'égarement vont au feu, sont au feu. Charles Fauzin, ils disent, comme le hadith qui est connu, que le prophète a dit, tout égarement mène au feu. Ou bien, comme dans le hadith des sectes, quand le prophète a dit, cette communauté va se diviser en 73 groupes, toutes iront au feu, sauf une. فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْبِدَحْ يَكُنُونَ فِي النَّارِ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ فِي النَّارِ لِكُفْرِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ فِي النَّارِ لِمَعْصِيَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَلَّدُ فِي النَّارِ وَمِنْهُمْ من لا يخلد ويكون حكمه حكم أصحاب الكبائر. في عقيدة أهل السنة c'est la preuve que les gens de l'innovation seront au feu. Parmi eux seront au feu à cause de leur mécréance, d'autres seront au feu par rapport à leur péché, et d'autres, certains resteront éternellement au feu, puisque leur bid'a les a menés à la mécréance carrément, les a fait sortir de l'islam. Et certains d'entre eux ne resteront pas éternellement au feu, mais ils devront payer leurs innovations en enfer. Et ainsi, leur jugement devient celui des gens des grands péchés, comme le musulman, même s'il est mouahid. Le fait d'être mouahid, d'être sur tawhid, et ça déjà c'est pas donné à tout le monde, wa nas'allahu azza wa jal an yaj'alana min al-muwahhidin wa li azwajina wa dhurriyyatina. Donc Allah il nous compte parmi al-muwahhidin. La sûreté que tu as d'être sur tawhid, c'est de ne pas rester en enfer éternellement. Il dit, se peut que tu aies des péchés, qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut te faire purifier par sa justice. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Tirmidhi, qui a été authentifié par Cheikh al-Albani, où le prophète il a dit, il y aura des gens, min ahli tawhid, des gens du tawhid, qui seront châtiés au feu jusqu'à être carbonisés. Mais ils sortiront de l'enfer. Pourquoi ? Parce que c'est des gens du tawhid. Ils sortiront de l'enfer. Il faut bien comprendre cette phrase, comme il a dit Cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahimallah, lorsque Nabi Sallam dit, il rentrera au paradis. Dakhala al-Jannah. Man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala al-Jannah. Il rentre au paradis. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas en enfer. Tu as la sûreté de rentrer au paradis. Donc si tu as la sûreté de rentrer au paradis, c'est que tu as la sûreté de ne pas rester éternellement en enfer. Mais tu n'as pas cette sûreté de ne pas goûter l'enfer. Donc c'est bien deux choses différentes. Il faut bien distinguer ces deux choses-là. Bien sûr, avec tawhid, tu vas rentrer au paradis. Là, échec. Mais il se peut que tu aies certains péchés où Allah tabaraka wa ta'ala veut te purifier de ces péchés avant de rentrer en enfer. Comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, akhraju at-Tirmidhi, où il a bien mentionné, min ahli at-tawhid, ce sont des gens du tawhid. Mais étant donné qu'ils ont des péchés, beaucoup de péchés, Allah azza wa jal veut, il les fait payer ces péchés-là pour les purifier. Et quand ils ressortiront, même s'ils sont carbonisés, ils ressortiront, ils rentreront pour boire l'eau de la vie, l'eau de vie, ils rentreront. L'eau de vie, c'est une eau dans laquelle celui qui sort de l'enfer, il pénètre et ensuite il peut rentrer au paradis. Donc ces gens de l'innovation, certains d'entre eux sortent de l'islam à cause de leurs innovations. Et eux, ils y restent éternellement en enfer. Parce que celle-là, cette innovation, c'est du kufr ou bien du shirk, akbar. Ce qui les a fait sortir de l'islam, de la religion. Quant à d'autres, leurs innovations ne vont pas les faire rester éternellement en enfer, mais ils resteront un certain temps en enfer. Et une chose est sûre, c'est que l'innovateur, quel qu'il soit, ne goûtera jamais le bassin du prophète, alayhi salatu wassalam. Comme c'est rapporté dans beaucoup d'ahadith, fi Sahih al-Bukhari, Kitab al-Fitan, où l'imam al-Bukhari ramène quelques ahadiths qui montrent bien qu'on ne boit pas. L'innovateur ne boit pas, il ne pourra pas boire le bassin du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et pourtant, il voudra intercéder pour eux en disant « Ummati, ummati, ou fi riwaya ashabi. » c'est ma communauté. Dans une autre version, ce sont mes compagnons. Quand il dit compagnons, il ne parle pas de ses compagnons à lui, radiallahu ta'ala anhum. Pourquoi ? Parce que les chiites utilisent ce hadith pour dire que les compagnons, vous voyez, vont au feu. Puisqu'il a dit « Ashabi, ashabi. » Car vous savez très bien que les chiites insultent les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, wa la'natullah alayhim, wa qatalahum Allah. Donc, il s'agit ici des gens de l'innovation. Et lorsque le prophète va vouloir dire « Mais c'est ma communauté, c'est mes compagnons », il lui sera dit « Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont remplacé après toi. » Et ainsi il dira « Éloignez-les de moi. Éloignez-les de moi. » Donc ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Yawm al-Qiyamah, avec toute la rahma qu'il a, le messager d'Allah, il ne veut pas les voir ces gens-là. Yom al-Qiyam. Et on ne va pas apprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'est le châtiment de l'enfer. Il a vu les gens se faire châtier en enfer. Il aurait pu avoir rahma pour eux. Non. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il déteste l'innovation. Et il sait que l'innovation est un empêchement d'acquérir le tawhid. Il sait que l'innovation, c'est légiférer à la place d'Allah. Il sait que l'innovation, c'est des choses qui ont été rajoutées à la parole d'Allah. Ce sont des choses qui ont été enlevées de la parole d'Allah. Ce sont des choses qui ont été transformées de la parole d'Allah. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, il n'a pas de miséricorde pour eux. Et il dit que, tout simplement, éloignez-les de moi. Il y a ni cela. Allah Azzawajal a décidé telle chose sur eux, et bien qu'il se passe telle chose pour eux. Comment ont-ils osé rajouter sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala? Comment est-ce qu'ils ont osé? Comment est-ce qu'ils ont osé tromper les gens? À l'époque de l'imam Ahmed, pour finir, rahimallah, il était accompagné de Yahya. Ce sont les deux grands savants du hadith de leur époque. Il y a un homme qui rentre et qui ramène un hadith du prophète sallam, qui dit haddathani fulan, haddathani fulan, haddathani, haddathani, qala an-nabi sallam, kata wa kata. Le prophète sallam, il a dit, il ramène la chaîne. L'imam Ahmed, il écoute ce hadith, il regarde Yahya, il lui dit, tu connais ce hadith? Yahya lui dit non. Il dit, toi, tu connais ce hadith? Il lui dit non. Il lui dit, viens voir. Il appelle l'homme, il lui dit, viens voir. Il lui dit, redis le hadith là. Et il mentionne le hadith. Et l'imam Ahmed, il lui dit, qui t'a appris ce hadith? Et il répond, c'est l'imam Ahmed ibn Hanbal et Yahya. L'imam Yahya, yani. L'imam Ahmed, il dit, je suis l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et lui, c'est Yahya. Aucun d'entre nous ne connaît ce hadith. Et il a répondu tout simplement, mais vous croyez que vous êtes les seuls à vous appeler Yahya ibn Ma'in et Ahmed ibn Hanbal. Le ulama, il ramène cette parole-là pour dire comment les gens, ils détournent le hadith. En fait, il veut faire croire aux gens que les gens qu'il nomme sont l'imam Ahmed et l'imam Yahya. Radiallahu anhuma. Fait croire des choses. Et il y a des gens, c'est... Yanni, tu peux rien faire. Ça sert à rien de débattre, de parler avec lui. Quand quelqu'un il te dit, mais vous croyez que vous êtes les seuls à vous appeler Ahmed ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, qu'est-ce que tu veux parler à quelqu'un comme ça? Ça sert à rien de continuer à parler. Même l'imam Ahmed n'a pas continué, khlas. Alhamdulillah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait qu'il y ait les gens du hadith qui protègent le hadith. Et l'imam Ahmed ibn Hanbal fut l'un des plus grands savants du hadith que la terre a porté. Et de notre temps, Cheikh Al-Albani, rahimallah, quant à cette fameuse phrase qu'il ramène tout le temps, quand tu cites Cheikh Al-Albani, ils te disent, mais pourquoi vous dites que l'Albani est plus fort que l'imam Ahmed dans le hadith? Premièrement, on n'a jamais dit ça. C'est vous qui ramenez ce genre de parole. C'est vous qui avez inventé cette parole-là. Si, c'est comme si vous le dites, parce que lorsque vous dites que vous rapportez un hadith de l'imam Ahmed et après vous dites « da'afahu Cheikh Al-Albani », Da'afahu Cheikh Al-Albani, c'est comme si vous avez dit, voilà, que c'est l'Albani qui décide sur Ahmed ibn Hanbal. Non. Il y a une parole très simple, comme l'a dit Cheikh Abdelaziz Ben Baz. Il a dit, l'Albani, il y a des gens qui se sont arrêtés, des gens, des savants qui se sont arrêtés devant les montagnes. Mais il y a un homme, il les a grimpés, ces montagnes. Il est parti voir qu'est-ce qu'il y avait derrière. Cheikh Al-Albani. Dans le hadith, il ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire qu'il a vu des ulama dans le hadith, et il sait très bien, on ne va pas apprendre l'Albani, c'est qu'un muhaddith, et c'est la valeur des grands muhaddithines. Il sait très bien leur niveau, il sait très bien le niveau qu'ils ont dans l'ilm, dans l'ilm al-hadith. Seulement l'Albani, il est parti voir ce qu'ils disent tous dans ce même hadith. Il ne s'est pas arrêté, il est parti voir plus loin. Faire des recherches et des recherches et des recherches, et après il a tout simplement son avis, c'est qu'il considère que ce hadith finalement il est faible. Ou bien il est sahih. Comme Cheikh Mouqbil, rahimallah, lorsqu'ils lui ont dit, Pourquoi tu n'écris pas tu fais une espèce d'écrit où tu ramènes les hadiths avec les. Tu compares tes hadiths que toi tu rends sahih ou da'if avec l'Albani. Il a dit, mais vous voulez que Cheikh l'Albani me tombe dessus ? Cheikh Nasser ? Il sait très bien c'est qui Cheikh l'Albani. Hein? Parce qu'aujourd'hui, Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, il te parle de Cheikh l'Albani, mais tu ne peux pas savoir à quel niveau. Il revient beaucoup à Cheikh l'Albani par rapport aux hadiths. Même quelquefois, Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad fait Dourous, fait Sunan Abi Daoud, Mathalan, dans son explication Sunan Abi Daoud. Il parle, après. Il y a quelquefois, il ne se prononce pas sur telle chose ou telle chose, mais il ramène l'avis de Cheikh l'Albani. Hein? Et même après, quand le cours il est fini, pour ceux qui ont l'occasion d'être là-bas, ne serait-ce que pour l'Omra, après l'Aïcha, tu peux rester encore. Le frère, il dit toujours des petits commentaires de Cheikh l'Albani. Et puis après, il y a Cheikh Abdel Mohsen qui fait un petit ta'liq dessus, qui fait un petit commentaire. Et il aimait beaucoup Cheikh l'Albani. C'est des savants du hadith. Ils préservent la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ils sont là pour ça. Et pour la préserver, il a fallu qu'ils critiquent certaines personnes. T'as pas le choix. Dans les chaînes de transmission, il a fallu critiquer telle personne, ou telle personne, ou telle personne. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas digne de confiance. On ne peut pas prendre le hadith de lui. Comme l'imam al-Bukhari, qui est connu pour être le plus strict dans les chaînes de transmission, être le plus strict pour accepter un hadith. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin barakallahu li wa lakum.